je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un Dorian en détresse. J'ai mûri hier sur toi. Je prends mon prêtre boisson, je sonne dans ma peau. Je voudrais voler mon dernier vol. Si je commence à jeu de jour, coucou de la vie, avec le bon dessiné. J'ai gomme de zombies, tu mets à ma cause. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois.